nous sommes des frères et des sœurs en islam, ce qui devrait nous unir, c'est nos principes. Puisque tu crois en Dieu, je crois en Dieu. Puisque tu pries, puisque je prie. Puisque tu jeûnes, puisque je jeûne. Puisque tu fais ceci et puisque je fais cela, ben il n'y a pas de problème entre nous. Comme si les principes faisaient la fraternité. Mais ce n'est absolument pas ça. Tout ça, c'est un discours mécanique. C'est celui qui dit, t'es mon frère, je suis ton frère, donc on s'aime comme des frères. C'est pas ça non plus. C'est pas parce que ta bouche dit que t'es mon frère et que ma bouche et mon oreille entend que t'es mon frère que nous sommes frères. La fraternité, c'est pas un corpus de principes. C'est pas la fraternité comme ceci verbal. Et nous en sommes arrivés dans cette communauté-là à rendre notre religion extrêmement superficielle et formaliste. C'est tout à fait formaliste. C'est vraiment dans les formes extérieures. Et en supposant qu'on a réglé tous les problèmes en disant ce à quoi nous croyons et qui est convergent. Tu crois en un Dieu unique? Eh bien, je crois en un Dieu unique. Eh bien, si c'était aussi simple que ça, eh bien, on n'aurait aucun problème dans les couples musulmans. On n'aurait aucun problème entre deux frères. On n'aurait aucun problème entre deux associations qui travaillent pour l'islam. Parce que ça n'est pas cela. Le problème, il n'est pas là. Le secret de l'islam, il n'est pas de dire on est tous unis derrière des principes, mais de savoir en quoi ces principes nous permettent de réformer ce que nous sommes pour essayer d'être unis. Ce n'est pas une unité de notre, une unité à partir de nos principes qui nous permettra d'être vraiment une communauté.